Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Voyage au centre du cerveau, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a nos pensées, de quoi elles sont faites et les circuits mystérieux qui les produisent, mais aussi le rêve de savoir si notre personnalité se cache au fond de nos boîtes crâniennes, et puis cette aspiration à se contrôler totalement soi, voire les autres, par la volonté ou l'hypnose. Il y a aussi les recherches accumulées par les chirurgiens, les médecins et les neurologues qui dissèquent, tranchent, stimulent ou scrutent. Et enfin, tous ces scénarios cauchemardesques ou merveilleux qui nous plongent dans une réalité proche de la science-fiction, où les robots sont intelligents, autonomes et ont peut-être même une âme. Alors pour commencer, les personnages, des neuropsychologues qui scrutent les états de conscience, une anesthésiste qui mesure la douleur, des neurologues qui inventent un moyen de communiquer par la pensée, des médecins qui manipulent des patients et qui leur parlent. Ensuite le décor, des laboratoires, des hôpitaux, des salles d'examen, des machines qui vrombissent et dans lesquelles sont glissés les patients, des rayons, des blouses, des couloirs dans lesquels on pleure de désespoir ou de soulagement. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive à l'hôpital. Je vois encore toujours cette ambulance à travers la fenêtre et que c'était pour Anne-Sophie, le 23 décembre. Tout a basculé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et j'étais vraiment presque furieux, il faut essayer de donner une place à cela. Mais quand mes parents, à 85 ans, ils venaient à décéder, après quelques mois, on met ça à une place, c'est le cours de la vie. Mais ici, c'est 33 ans. On croit toujours que ça va arriver aux autres, mais le jour où ça vous tombe sur la tête, c'est son enfant, elle a 33 ans, c'est plus un enfant, mais ça reste notre enfant, mais on n'imagine pas ce qui vous traverse. Moi, je choque quand il y a quelqu'un qui a fait des examens ici, ou des exercices avec Anne-Sophie, je lui dis, est-ce qu'elle a réagi un peu? Est-ce qu'elle a fait ça? Elle a ce qu'elle fait là? Bon. Ça a basculé et on n'imagine pas ce que ça fait avec quelqu'un. Quand on voit son enfant qui se trouve là-bas immobile, qui ne réagit plus depuis des mois, certaines fois je me dis, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'elle aurait décédé à ce moment, le 23 décembre? Tandis que maintenant on est dans une impasse, c'est comme si je me trouvais dans un tunnel où je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne vois pas la lumière. Et combien de temps est-ce que ça va encore durer? Un an, deux ans, 10 mois, 2 mois? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui peut nous le dire. Vanèse, c'est vrai qu'on a dans l'idée que le coma est une période qui peut durer très longtemps, alors que votre définition à vous est beaucoup plus courte. Oui, voilà, le vrai coma, le coma tel qu'on l'entend, c'est une période qui va durer maximum 4 semaines, durant laquelle le patient va être complètement inconscient, il ne va montrer aucun signe de conscience de lui-même ou de l'environnement, et il va également ne jamais ouvrir les yeux. Donc même si vous le stimulez, peu importe, même si vous lui faites mal, quoi que vous lui fassiez, il ne va jamais ouvrir les yeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coma. Il n'y a aucune composante d'éveil et aucune composante de conscience. Après, soit le patient va décéder, donc les lésions cérébrales étaient trop lourdes et il ne va jamais sortir de son coma, soit il peut sortir de son coma en ouvrant les yeux. Donc à partir du moment où il ouvre les yeux, il n'est plus dans le coma, mais il pourrait toujours ne montrer aucun signe de conscience. Donc toujours, même s'il est éveillé, il ne va pas montrer de signe de conscience de lui-même ou de l'environnement, il ne va pas réagir. On peut observer des réflexes, bien sûr, comme dans le coma, on peut observer des réflexes à la douleur, mais on n'a pas de réaction consciente. Et cet état où le patient est éveillé mais non conscient, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'éveil non répondant. Avant, on appelait ça l'état végétatif, mais depuis 2010, on utilise le syndrome d'éveil non répondant parce que c'est moins péjoratif. Ensuite, le patient peut montrer des petits signes de conscience. Par exemple, il va vous suivre des yeux quand vous vous promenez dans la pièce, ou bien si vous lui demandez de serrer la main, il va le faire. Ou il peut encore essayer d'arracher sa trachéotomie, par exemple, ou d'enlever les pansements qui le chatouillent. Et quand on observe des petits signes de conscience comme ça, on dit que le patient est en état de conscience minimale. Et il en sort à partir du moment où il est capable de communiquer fonctionnellement et ou d'utiliser des objets de façon fonctionnelle. Donc par exemple, de faire semblant de boire, ils ne peuvent pas toujours boire, ou utiliser un peigne. Donc là, on dit qu'ils ont émergé de l'état de conscience minimale. Ou s'ils sont capables de communiquer. La communication, ça doit vraiment être un code pour oui, un code pour non. Pas spécialement dire oui ou non avec la bouche. Par exemple, ça pourrait être un signe de tête, ou bien montrer le pouce pour dire oui, baisser le pouce pour dire non. Peu importe, on trouve le code qui correspond au patient et on pose des questions simples, fermées, donc la réponse attendue est oui ou non, et on vérifie que les réponses sont correctes, évidemment. Il faut que le patient soit capable de communiquer fonctionnellement. Ça doit être vraiment des réponses correctes sur les différentes questions qu'on pose. Donc, c'est vrai que le coma, tel qu'il est entendu par le sens commun, ça pourrait durer 17 ans, mais en vrai, non, ça dure seulement 4 semaines, et après, ce sont des états de conscience altérés, comme on dit. Et nous, c'est typiquement les patients qu'on va évaluer. Certains patients vont passer par toutes ces étapes rapidement et puis pleinement récupérer, avec plus ou moins des séquelles, mais certains patients peuvent rester très très longtemps, des dizaines d'années, dans un état de conscience altéré. Et les patients chroniques qu'on reçoit, qui ont donc au moins cinq évaluations pendant la semaine, donc ils en ont normalement 6, on sait qu'il faut répéter les évaluations parce que typiquement, c'est des patients qui vont fluctuer. Certains jours, ils vont être en bonne forme, ils vont vous montrer des signes de conscience, et puis à d'autres jours, vous n'obtiendrez rien. Donc on sait qu'ils fluctuent, et c'est vraiment très important de répéter les évaluations pour capter le maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Puisqu'on sait que les patients peuvent être fatigués, avoir des problèmes d'aphasie, ne pas comprendre ce qu'on leur veut, ne pas spécialement avoir envie aussi de répondre. On sait qu'il y a des jours bons et des jours moins bons. Donc on essaye vraiment d'augmenter toutes les chances de bien diagnostiquer le patient. 1,6 cm de ventrax du manubrium. À la ligne, par ailleurs, virgule, on visualise sur les coupes des apex pulmonaires une formation nodulaire d'allure tumorale de 1,3 cm de l'apex pulmonaire gauche. Point à la ligne. À la ligne en conclusion de point à la ligne. Ostéolyse. Il y a des examens importants. Il y a des examens tous les jours. Mais j'ai dit que moi je viendrai jeudi et vendredi parce qu'on se reverra ce jour-là. Le jeudi, c'est le jour du PET scan. Oui. Donc je vous ai dit, on va faire tout ce qu'on peut pour qu'il ait lieu. Mais voilà, ne soyez pas déçus si malgré nos efforts, on ne sait pas le faire. Mais là, est-ce que c'est intéressant que. Par exemple, mon frère soit présent ou pas, non. Ou ça ne change pas. Elle parle bien français, enfin, elle comprend elle très français, bien oui, le français. Parfaitement. Okay. Oui, parfaitement. Oui. Malheureusement, depuis qu'elle est dans le coma, on ne sait pas très bien. Non, parce que je sais que parfois, au niveau langage, elle régresse. Sa langue maternelle, c'est l'arabe. L'arabe. Mais elle parle français depuis qu'elle est toute petite ou depuis, Oui, bien sûr, elle a été professeure de français. Elle est en Belgique quand même depuis. Ouais. Depuis 50 ans. Donc, oui. 61. Non, elle parle couramment le français, elle n'a pas de. D'accord. Le problème. Ok. C'est le professeur Lorès nous avait dit qu'effectivement, qu'il est possible qu'après l'événement, on ne puisse plus communiquer avec elle que dans une des deux langues. Mais vu qu'on n'a aucun signe, enfin, elle ne se manifeste pas quand on parle avec elle. J'ai déjà essayé de parler autant en arabe qu'en français. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ok. Non. Est-ce qu'il y a des mouvements qu'elle fait plus facilement que d'autres, qu'elle fait quand vous lui demandez, par exemple, tirer la langue ou bouger elle quelque chose? Elle ne répond pas. Parce que l'ergothérapeute ne pouvait même plus continuer les séances parce qu'il ne recevait pas de... Non, il n'y avait aucune réponse au niveau comportemental, donc ils ont dû arrêter logopède idem. Donc, je crois qu'ils font encore, jusqu'à présent, juste de la kiné. D'accord, oui, ok. Elle lève souvent sa tête, en fait. Oui, mais sortir ses yeux en fait quand on ne sait pas si quand c'est elle, des réflexes elle ou entend elle quelque crie chose aussi. Ou bien une voix qu'elle connaît comme les voix familiales parfois voilà. Pas toujours Parce que parfois, elle est assez... Parfois, oui. Mais parfois, mais on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quand même un contact. Il y a quand même quelque chose, légèrement. Et ce n'est pas une question de langue, alors. C'est vraiment la voix, non, la voix niveau... qui est... Langue, c'était une femme indépendante, commerçante depuis 40 ans. Question langue, il n'y a pas de problème, elle était très très indépendante. Donc il vaut mieux que la famille vienne plutôt mercredi, vendredi. Oui, c'est, oui parce que c'est une semaine éprouvante. Vous avez vu le planning, on ne va pas la lâcher. Non, le week-end. Donc alors les jours qui sont... Donc pas le lundi, être nécessaire, le mercredi, vous nous avez dit. C'est pas nécessaire, mais ça sera c'est mieux, mieux pour vous, parce qu'elle sera en chambre. Moi je vais y aller, je vais scanner les consentements. Bah, à mardi. Ça va, bonne semaine. Bonne semaine, d'accord. Merci bien. Allez. Bien aimable. À tantôt. Voilà. Donc on va vite descendre au premier étage, rejoindre Charlotte, qui va vous mener après à l'IRM. Donc là, ça va être une IRM fonctionnelle. Ça va être... D'abord, on commence de toute façon toujours par une IRM structurelle. Donc... On ne peut pas décoder les pensées encore. Ça, c'est pas encore possible. Non, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit l'activité qui se passe. Oui, c'est ça. On voit la personne en train de penser, mais on ne sait pas à quoi elle pense. Oui, en train de penser. Ou disons, le cerveau est en train de fonctionner. C'est difficile de dire si elle est en train de penser ou si c'est l'activité de base. Ou... Non, ça, c'est quand même... J'ai bien mis le 1. Et alors du coup, la fameuse expérience de la partie tennis, est-ce que c'est le professeur Loreis qui l'a inventé ou pas vraiment ? C'est pas vraiment lui. Il l'a inventé, non, ça a été publié par une équipe anglaise. Et lui, il l'a appliqué plutôt. Disons que oui, on l'applique maintenant chaque semaine sur les patients, comme c'est possible. Mais oui, à la base, c'était juste une recherche, c'était quelques patients et maintenant on l'applique de plus en plus puisqu'on sait que ça peut parfois apporter des informations intéressantes. Steven Loreis, alors précisément, grâce aux progrès technologiques, on a pu finalement entrer en contact avec des patients qui étaient un peu l'équivalent d'un locked-in syndrome, c'est-à-dire on ne pouvait pas rentrer en contact avec eux. On a une sorte d'inertie apparente et puis grâce à l'IRM fonctionnel, on a pu entrer en communication, donc ce qu'on appelle maintenant un peu couramment le test du tennis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment ça fonctionne ? Alors, quand on examine un patient au bord du lit, on va essayer de savoir est-ce qu'il répond à une commande. C'est ça le vrai test de la conscience. Quand il ne répond pas, parfois c'est un problème parce que est-ce qu'on a vraiment prouvé qu'il était inconscient ? Peut-être qu'il était simplement paralysé, que son cerveau dit bouge, mais qu'il est déconnecté de ce contrôle musculaire. Et donc on a proposé un test qui regarde directement ce qui se passe dans le cerveau. Et donc avec la résonance magnétique fonctionnelle, on peut maintenant regarder l'activation du cerveau. Ici, dans le cas précis, où on va poser une question comme bouger, ou ce qu'on fait ici, imaginez-vous de jouer au tennis, parce que tout le monde a déjà vu quelqu'un jouer au tennis à la télé, ou peut s'imaginer de vraiment faire ce mouvement complexe qui va activer votre cortex moteur, et avec cette machine-là, on peut facilement l'observer et donc prouver que parfois un patient où au bord du lit il n'y avait aucune réponse, il y a plus ce qui se passe dans son cerveau, il nous entend, il comprend, il le fait et donc il est évidemment pas inconscient. On a même pu chez certains patients, mais c'est très rare, utiliser cela pour établir une communication fonctionnelle. C'est évidemment une technique qui est difficile, le patient doit venir vers des centres d'expertise comme ici au CHU de Liège et donc on a développé avec nos ingénieurs une technologie qui est moins onéreuse, qui est plus portable, qui va faire la même chose mais en mesurant l'activité électrique. Donc avec l'électroencéphalographie, on peut faire la même chose, c'est ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Et donc là, on peut aller vers le patient, même quand il est à la maison, dans une maison de repos et de soins, dans un centre de rééducation. Et donc, personne ne sait exactement pour combien de patients dites dans un état altéré de conscience, ces techniques peuvent identifier qu'il y a plus au niveau du cerveau qui se passe, mais on estime que ça peut être jusqu'un tiers des patients. Et donc, pour des cas précis, ça peut être utile, je pense, d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc, on a ici au CHU de Liège tous les semaines des patients qui viennent de l'extérieur pour, pendant une semaine, utiliser ces différentes machines, l'IRM fonctionnel, le PET scan où on va regarder la consommation de sucre, ces interfaces cerveau-ordinateur pour essayer de réduire l'incertitude au niveau du diagnostic et donc aussi au niveau du pronostic. Sarah Wanet, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le fameux test de la partie de tennis? Voilà, donc le patient va être placé dans l'IRM, donc on va enregistrer le fonctionnement de son cerveau, on va regarder les zones vers lesquelles on envoie, le cerveau envoie beaucoup de sang, donc les zones qui sont en train de fonctionner. Et pendant que la personne est dans l'IRM, on va enregistrer tout ce fonctionnement-là et on va lui demander de s'imaginer jouer au tennis. On va lui demander de vraiment s'imaginer faire tous les mouvements, vraiment taper fort dans la balle, courir d'un côté à l'autre du terrain, pour que vraiment il ait une image très claire de ce jeu de tennis. On va également lui demander de s'imaginer se promener dans sa maison. Donc on va lui dire, on entre dans l'entrée, on monte les escaliers, on va dans la chambre, regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous. Et on va à nouveau enregistrer l'activité cérébrale à ce moment-là. Alors, l'intérêt de l'IRM fonctionnel, c'est qu'on peut faire ces tests en temps réel. C'est-à-dire que cette possibilité de localiser dans le cerveau le fait qu'on pense à telle ou telle activité très différenciée, ça peut permettre d'entrer en communication avec des gens avec qui on ne peut pas parler autrement. C'est ça. Si on lui dit, si vous voulez, on va vous poser une question. Si vous voulez dire oui, vous vous imaginez jouer au tennis. À nouveau, très fort, courir partout, taper dans la balle. Et si vous voulez dire non, vous vous imaginez vous promener dans votre maison. Et puis on leur dit, est-ce que ton nom c'est Alexandre? Et on s'est dit, si tu veux dire oui, imagine-toi jouer au tennis, et si tu veux dire non, imagine-toi dans ta maison. Et alors, en fonction de la situation qu'il va imaginer, on va pouvoir dire s'il voulait répondre oui ou non. Donc ça ne demande aucune implication motrice, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de serrer la main, il n'a pas besoin de réagir physiquement, mais simplement par le contrôle de sa pensée, en s'imaginant vraiment très fort quelque chose, on arrive à voir s'il voulait répondre oui ou non. Donc ça libère complètement le patient de tout ce qui est moteur. C'est aussi l'attention peut intéresser, vu que c'est un gros aimant. Donc ça, faudra faire très attention, parce que ça, vous pouvez casser votre matériel et casser l'IRM, et ça vaut des milliers. Donc à partir d'ici, si vous voulez, vous ne pourrez pas dépasser ici. Parce que si vous approchez trop, votre matériel ici va sûrement partir. Et c'est un aimant très très puissant. Enfin, je vous dis ça, il faut faire très très très attention. D'accord. Donc ici, cette patiente, elle a 33 ans. Donc elle est ici chez nous depuis mercredi. On vient de croiser la patiente, donc en effet elle a l'air assez jeune et endormie. Donc, elle est brune avec les cheveux courts et elle a l'air assez amaigrie. Et en fait les personnes lui parlent comme si elle était éveillée alors que c'est pas le cas. Ici, on la prépare pour l'examen. Donc, par exemple, on essaye que tous ses membres soient bien mis, parce qu'ici, on essaye de faire l'examen sans anesthésie, sans l'endormir légèrement. Un écran, on voit des squelettes. Un autre. Ici, oui, on va pouvoir gérer toutes les séquences structurelles et fonctionnelles. Donc, c'est une technologue ici spécialisée dans l'IRM qui va gérer toutes ces séquences. D'ici, on peut voir le patient. Bonjour. Ça va? Ah, oui. Et pour savoir si le patient coma, c'est le prochain ou... Oui, c'est la suivante. Voilà, donc on est vraiment dans la cabine où il y a les techniciens qui travaillent pour analyser les données de l'IRM. Et à travers une vitre, pas très épaisse d'ailleurs, on a une vue sur les pieds du patient. Il y a un petit lit, un matelas glissant qui glisse le patient dans l'IRM avec sa tête en premier. Et il n'y a plus que les pieds qui sortent. Donc la personne est endormie, donc elle ne bouge pas. Et on voit sur les écrans apparaître les images de son cerveau, alors sous toutes les facettes, hein, le crâne vu du dessus, on voit les os et on a comme des petites tranches, on avance. Par exemple là on voit les yeux apparaître, on recule et on traverse les yeux par le dessus, quoi. Et ensuite on a une version latérale, des petites tranches, on traverse le cerveau en passant à travers, mais de manière sur le côté, en passant par les oreilles. Alors l'image est en noir et blanc là pour l'instant. Et ça pourrait ressembler à un jeu vidéo, sauf que c'est très réel. L'image est très nette aussi. On voit toutes les circonvolutions de la cervelle. Ici, donc, on s'assure qu'elle ne va pas tousser, parce que le problème ici avec cette patiente, c'est que de temps en temps, elle tousse. Du coup, ça ne va vraiment pas, parce qu'il faut que la tête reste un maximum immobile dans l'IRM pour avoir des belles images qu'on peut analyser. Et du coup, on la dégage ici, donc on va aspirer sa trachéo pour qu'il y ait moins de chances qu'elle tousse, quoi. Donc ça prend quand même un certain temps. On essaye que tout soit OK, on la nettoie avant, elle change, etc. Enfin, alors l'appareil d'IRM, il est vraiment énorme. C'est une grande bobine géante qui fait plusieurs mètres de diamètre. Et du coup, le patient, il a l'air tout petit à l'intérieur. Et c'est étonnant qu'on ait besoin d'un appareil aussi gros pour juste mesurer ce qui se passe dans la tête. Le fait qu'elle ait les orteils tout recroquevillés comme ça, c'est lié à son coma ? Oui, ça s'appelle de la spasticité. Donc, c'est-à-dire qu'elle a ses membres qui vont se positionner parfois de façon anormale. Oui, parce que notamment, ils sont plus souvent activés. Et donc, la spasticité est présente et parfois très forte et est présente chez tous nos patients. Donc, oui. Et ça, c'est à force de... Plus on va bouger ses membres, la mobiliser un maximum, moins ils en auront. Mais c'est inévitable chez nos patients. Ouais. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle souffre ou qu'elle est crispée. Non, pas forcément. C'est pas spécialement ça. Parfois, des personnes qui sont fort spastiques comme ça, donc on a l'impression qu'elles sont vraiment mal positionnées. C'est parfois elles qui souffrent le moins. Enfin, c'est pas comme ça qu'on sait le définir. Non. C'est assez spectaculaire quand on n'a pas l'habitude. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, nous, on a l'habitude, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Puis souvent, c'est le peu de mouvement qu'ils ont, ils vont justement essayer de se déplacer de façon à ce qu'eux soient à l'aise, mais c'est pas le « à l'aise » entre guillemets de tout le monde. Elle sait aussi bouger ses mains, mais pas fort ses doigts, je pense, ici. Ça dépend, ça c'est au cas par cas. Certains savent très bien mobiliser leurs jambes, ils bougent leurs hanches, etc. Et pas leurs bras. D'autres, c'est l'inverse, c'est plutôt les bras et pas les jambes. Ça, c'est vraiment différent. Des fois, les jambes sont hyper tendues. Des fois, elles sont très fort recroquevillées vers le haut du corps. Ça, y a pas de règle. Ça dépend vraiment de chaque patient. Ouais. Et le fait qu'elle bouge ne veut pas dire qu'elle est consciente. Non, non, ça c'est pas lié. Après, parfois leurs mouvements vont être orientés. Donc, par exemple, elle va pouvoir se gratter. Certains arrivent à se gratter, et là, on peut dire que d'une certaine manière, elle est consciente de l'endroit où ça la gratte, que ça la gratte. D'autres ne vont pas du tout avoir cette conscience. Donc ça dépend aussi. Pareil, c'est du cas par cas, mais c'est pas. Ça dépend si le mouvement est orienté ou pas. Là, il l'a emballée sous une couverture, sûrement pour qu'elle n'ait pas froid pendant l'examen. Elle n'est pas encore rentrée dans la machine IRM. Il y a des tuyaux en plastique qui se balancent autour, là. En fait, il y a tellement de tuyaux qu'ils sont obligés de faire très attention pour ne pas les emmêler. Très impressionnant, c'est le nombre de personnes qui sont en train de s'agiter autour d'une personne qui, elle, précisément, ne bouge pas du tout. Donc là, ils sont à quatre autour d'elle pour vérifier que tout se passe bien. Et donc, les tuyaux en plastique qu'on voit, c'est Il y a plusieurs types de tuyaux, c'est ça? Oui, ici, il y a vraiment plein de choses, mais il y a notamment des câbles qui sont reliés à la respiration. Donc ici, elle a une ceinture de respiration et nous, on va pouvoir enregistrer donc les variations de sa respiration. Il y a aussi, par exemple, un pulse, qu'on appelle ça. Donc c'est un petit engin qu'on accroche à son doigt et on va pouvoir ici voir les variations de ses pulsations. Après, l'anesthésiste ici a installé différents matériaux pour si jamais on l'endort, parce que donc ici on essaie de le faire sans l'endormir, et si on l'endort, on va essayer de la laisser comme ça et de juste entre guillemets l'endormir légèrement. Chaque cas est différent, donc on essaye de une fois qu'on l'installe, d'avoir un maximum de matériel autour d'elle. Comme ça, si nous, on doit checker l'une ou l'autre chose, ben, on ne doit pas trop aller chercher d'autres matériels dans d'autres pièces et la rebouger, parce que plus elle va rester allongée, moins elle sera confortable, évidemment. Donc on essaye aussi d'être efficace et rapide. Comme ça, on a plus de chances qu'elle reste immobile et plus longtemps. Ça y est, elle est en train d'entrer dans l'IRM, là. Ouais. On voit le petit matelas qui... C'est quoi, c'est un petit moteur qui l'amène à l'intérieur? C'est un petit lit, attention. Vous êtes le papa d'Anne-Sophie. Oui, je suis le papa d'Anne-Sophie. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Eh bien, le 23 décembre, elle est tombée d'une calèche, la tête en arrière. Et disons qu'au début, il n'était pas midi moins 5, mais il était midi plus 5 minutes, d'après le chirurgien. Donc on lui donnait 2 jours. Et comment la calèche? C'est les chevaux qui se sont emballés? Oui, ce sont les chevaux qui se sont effrayés à cause de vaches qui ont couru dans la prairie. Oui, parce que ça va très lentement, une calèche. Et elle est tombée sur la tête? Sur la tête, en arrière, oui. Oui. Donc au début, il y a une image que je n'oublierai jamais. J'étais en haut et je voyais l'ambulance passer. Et je dis, oui, bon, encore quelqu'un qui a roulé trop vite ou n'importe quoi. Et c'était pour ma fille, c'était pour la cadette. Mais comme je disais, maintenant, il y a, après presque 10 mois, il y a l'usure, ce que j'appelle émotionnelle. Hein. Ce qui est très dur à supporter, c'est qu'on ne voit pas d'issue. Elle bouge, oui, elle regarde des yeux, mais c'est pas un regard, c'est vraiment quand je lui dis, elle vous fixe, mais il n'y a pas de vie dans ses yeux. Mais depuis des semaines et des semaines, on ne voit plus, elle se réveille pas, il n'y a plus de réaction. C'est très énorme. L'autre jour, je lui ai raconté une anecdote qu'on avait. Le dimanche, elle venait chaque dimanche avec son mari, et elle me pillait les fromages blancs qu'il y avait dans le frigo. Et à ce moment-là, c'est comme si elle avait un sourire quand je lui racontais une anecdote amusante comme ça. Elle me disait, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, tu ne mangeras quand même pas. C'est aussi, on lui raconte les voyages qu'on a fait dans le temps, alors quand elle était petite, dans le Gothard, qu'elle se tenait l'essuie-main devant les yeux avant qu'elle me disait combien de kilomètres encore, combien dans le tunnel. Il y a encore 5 kilomètres, il y a encore 4 kilomètres. Ce sont des choses qu'on essaye de raconter, des anecdotes amusantes. Mais il y a des jours où soi-même on est tellement fatigué, moralement, émotionnellement, qu'on n'y arrive pas. Il y a des jours que je ne dis pas 5 mots ou 6 mots, même si maintenant je suis assez loquace, mais il y a des jours où on se referme sur soi-même. Ja, het is een beetje wachten, maar dat wist ik op voorhand he, voor op de resultaten van 3 november. Ja, dus nou, wist hier vooraf, he. Is het een beetje moeilijk natuurlijk omdat de kiever... Ja, het omdat je alles samenlegt. En, ja. Ja. Er is daar een grote micro, dus ja. Dat beslist je maar zelf. Nee, maar ik heb mijn medewerking toegezegd. Dus. Ik denk voor ons is dat een opportuniteit om te zeggen, ja, dit soort problematiek bestaat. En ja, in Frankrijk is er nog veel werk aan de winkel. Ja, maar het schijnt is er veel meer werk nog dan hier. Ja, voilà. Ja. Dus, maar u beslist daar... Nee, maar uiteraard... Maar bedankt in elk geval dat u daar... Nee, dat wil ik zeker doen. Hè. Ik heb net de neurochirurg gehad voor de derivatie. Ja, ja. Dus over de foto, de Eriks foto gedaan ervoor, dat is niks bewogen. Maar, zoals u weet, hebben we niet hier het systeem om die specifieke bom te verifiëren. Ja. Dus wat ik zou voorstellen is dat u zonder urgentie toch de neurochirurg gaat opzoeken die kan regelen. Okay. Dus wat ons betreft is alles perfect verlopen. Ja. Maar ik zou zeggen, uit veiligheidsoverweging is het toch goed, als u dat enigszins kan, om in de komende weken... Ja, geen probleem. Want hij kan dan met een magneetje kijken, is er een... Okay. Wat ons betreft is alles goed. Donc, je disais pour la valve, je viens d'avoir Kachten, le neurochirurgien. Il n'y a pas eu de mouvement, mais que c'est bien quand même de le vérifier dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Mais vous parlez très très bien français, évidemment. On peut parler français. Donc, on préfère avoir tous les résultats et à la consultation, alors, avec toute la famille, je pense, on répond et on vous dit qu'est-ce qu'on pense comprendre, on vous montre les images. Et voilà, comme je vous ai toujours dit, on va vous expliquer où on en est, à quoi s'attendre. Et je pense que de notre côté, c'est bon. Donc faites toujours attention, parce que c'est quand même une semaine avec beaucoup, beaucoup d'examens. C'est, oui, tout à fait. Et on a toujours peur des problèmes infectieux. Oui. Donc bien suivre la température. Vous avez d'autres jours, mercredi, vous en parliez. Vous encombrez parfois. Ici, ben, il y a un risque, docteur ou... ben, il y a toujours ce risque. Oui. Hein. Ici, ben, c'est le séjour d'une semaine, l'ambulance. Oui. Donc voilà, pour nous, tout s'est bien passé. Je suis content qu'il n'y ait pas eu d'anesthésie pour les examens. Donc ça, c'est très bien. Et on se revoit à la consultation, et alors vous venez avec toutes vos questions et on discutera ensemble. De préférence avec toute la famille, en fait. Je pense que c'est mieux, parce que comme ça, tout le monde a l'opportunité de poser ses questions. De première main. Et voilà. Oui. Ok, merci beaucoup. Et c'est ça qu'on voit, c'est des patients qui survivent à leur coma, qui vont se réveiller, c'est-à-dire ouvrir les yeux, mais où quand on leur pose une question, parce que c'est ça notre test de la conscience, il est très simple, c'est bouger le bras ou fermer les yeux, jamais ils vont répondre à la commande, ils vont uniquement montrer des mouvements réflexes. Et donc cet éveil non répondant, lui, est un défi pour nous. On va bouger un miroir qui va souvent capter l'attention parce qu'il est autoréférentiel. Donc la poursuite visuelle souvent est un premier signe. Ou parfois, ça peut être un patient qui fait un sourire quand sa maman est dans la pièce, et uniquement quand c'est sa maman. On peut pas dire que c'est un réflexe, mais c'est tout ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle maintenant un état de conscience minimal moins. Ensuite, quand il passe vraiment le test de la conscience, c'est-à-dire il répond à une commande simple, comme serrer ma main, on va définir l'état de conscience minimal plus, où on sait qu'il est conscient, qu'il nous a entendu, compris qu'il l'a fait, mais cependant, on peut toujours pas communiquer avec ce patient-là. Et ça, c'est vraiment un défi pour nous, parce qu'on sait que le patient, parfois, est conscient, mais c'est impossible de savoir ce qu'il perçoit exactement, parce qu'il n'est pas capable de le partager. Donc la récupération d'une communication fonctionnelle va définir l'étape suivante pour ces patients qui prennent parfois plus de temps, qu'on appelle dans des états altérés, modifiés de conscience, qui peuvent être plus chroniques, qui peuvent prendre des mois, des années parfois. Bienvenue, vous venez d'arriver. Vanessa Charland, je suis neuropsychologue ici au CHU de Liège. Donc vous venez pour une semaine d'hospitalisation où on va faire quelques petits examens, savoir un peu ce qui se passe, ce qui est plus difficile, ce qui est plus facile pour vous. Si vous m'entendez, si vous me comprenez, essayez de serrer ma main. Je vais vous montrer un miroir, madame. Je vais vous demander d'essayer de le suivre du regard. Ok, maintenant je vais le bouger un peu plus rapidement. Donc il faut bien le suivre, d'accord? Donc ici, je vais vous montrer, c'est peut-être un peu difficile, hein, mais on va quand même essayer. Donc j'ai deux objets dans la main. J'ai une tasse. Donc essayez de regarder la tasse. Montrez-moi avec les yeux où est-ce qu'elle est. Voilà, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire, celle-là? On va peut-être vous mettre la couverture parce que c'est pas chaud. Voilà. Ouais, on est mieux comme ça. Hein. Donc maintenant la balle. Vous pouvez regarder la balle avec les yeux, montrez-la-moi. Maman, tu regardes la balle. Il y a la balle, maman. Thomas, il y a la balle. La balle ou la tasse. Regarde. Il y a la balle ou la tasse. Non? Je pense que c'est... Steven Lorenz, une des dernières découvertes quand même sur le cerveau, c'est son extraordinaire plasticité. Et vous, vous êtes très attentif quand vous faites ces tests, justement à la possibilité d'évolution des personnes que vous avez justement, par exemple, pendant une semaine. Et vous vous posez énormément de questions au niveau de la bioéthique sur l'idée qu'on a de ces personnes, de leur demander leur avis sur le fait de continuer à vivre ou pas dans ces conditions. La particularité, c'est qu'ici en Belgique, l'euthanasie est possible, ce qui n'est pas le cas en France. Nous, on a cette loi Leonetti qui est plus complexe finalement. Et vous, vous avez justement mené des études où vous avez imaginé des échelles de gradation pour demander aux gens quel était leur plaisir de vivre. Et les réponses sont parfois très étonnantes. Je pense que dans tout ce débat sur la fin de vie et l'acharnement thérapeutique, je pense que c'est important de garder le patient au centre. Je pense que le droit d'autodétermination, d'autonomie de chacun de nous, pour moi, est très important. Et donc, on va essayer de se battre pour offrir à ce patient, après une lésion importante au niveau du cerveau, ce qu'il a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Hein. C'est très difficile parce que cela sera différent pour chacun de nous. Donc c'est une question difficile, mais je pense quand même que dans tout ce débat, il faut plus que de simplement dire il y a le droit de mourir ou le droit à la vie, c'est pour moi un droit à une qualité de vie. Et je trouve que ça, dans tout ce débat, on l'entend pas assez. Ce qui me fascine ou ce qui est difficile pour nous médecins, c'est de savoir ces patients qui survivent leur coma, qui restent incapables d'exprimer quoi que ce soit, est-ce que cette vie est que souffrance ? Et alors, ce qu'on est en train de faire, d'obliger ce patient de manière artificielle à vivre cette souffrance, ce n'est pas éthique. Ou est-ce que, au contraire, il y a suffisamment de moments où ces patients peuvent avoir du plaisir en écoutant la musique, en appréciant un peu de chocolat sur les lèvres? Est-ce que ces patients, dits en état de conscience minimale post-relationnelle, ont justement une vie qui vaut la peine d'être vécue? Je pense qu'il faut accepter que c'est un débat très complexe où, pour moi, c'est utile de réfléchir, d'anticiper. Ça peut arriver à chacun de nous. Un accident, un arrêt cardiaque, une réanimation. Et beaucoup trop peu souvent, on voit dans les soins intensifs, en Belgique comme en France, des personnes qui ont identifié une personne de confiance, un mandataire qui peut à ce moment-là parler à notre place. Et donc cela sera différent si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous êtes un juif catholique très croyant, parce que la religion joue un rôle. Donc, j'ai des patients dans ma famille, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes où, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et personnes très croyantes où je pense qu'il faut respecter leurs valeurs. Pour d'autres, je sais très bien que si ils n'ont pas récupéré un certain degré d'interaction fonctionnelle, s'ils sont plus capables justement de s'exprimer, d'interagir avec leurs proches, pour eux, cela n'a plus de sens et ils n'aimeraient pas qu'on va de manière artificielle prolonger cette vie-là. Et donc pour moi, le défi, il est là, que chacun de nous, tout le monde qui nous écoute maintenant, réfléchit. Quand c'est moi qui se retrouve là, aux soins intensifs ou après, en rééducation, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Et donc, identifier une personne de confiance, de préférence pas un héritier, qui connaît nos valeurs, pour moi, peut nous aider. Deuxième chose, c'est de faire une déclaration écrite, un testament de vie, mais c'est difficile, on peut pas anticiper tous les scénarios. C'est vrai qu'il faut être prudent et qu'on a une tendance à, maintenant qu'on est en bonne santé, dire ben, si je suis handicapé en chaise roulante, dans un lit, je veux pas vivre. Il peut là y avoir un biais. Par exemple, on a démontré que des patients ont locked-in syndrome. Le locked-in syndrome, c'est le patient qui survit à son coma et qui est complètement conscient, mais juste paralysé. Donc c'est l'exemple type de cette dissociation où vous êtes incapable d'exprimer, vous ne pouvez pas bouger les jambes, les bras, le visage, vous ne pouvez pas parler, mais classiquement par des petits mouvements des yeux, vous pouvez exprimer. En France, vous avez Jean-Dominique Bauby qui a écrit « Le scaphandre et le papillon » qui illustre très bien cette situation de locked-in syndrome. Eh bien, on a, en collaboration d'ailleurs avec l'association qu'il a créée, ALICE, association du locked-in syndrome, qui font un travail extraordinaire en France, où il y a des centaines de patients. Et on a pu leur demander, eh bien, quelle est votre qualité de vie? Et on a été surpris que la grande majorité disait qu'ils étaient heureux. Donc on peut être très handicapé moteur et quand même avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Cependant, il y avait aussi une minorité qui disait, on est très malheureux, on veut mourir. Ce qui n'est pas, je pense, malheureusement possible avec la loi actuellement en vigueur en France. Et donc, en Belgique, ben, on peut aider ses patients à mourir en dignité. Donc ça, je pense que c'est bien et ça a été difficile en France d'avoir un vrai débat sur l'euthanasie. Trop souvent, je constate que c'est représenté de manière trop simpliste. On est pour, on est contre, c'est très binaire, noir-blanc, et on ne tient pas suffisamment compte de la réalité du terrain. Donc, tout ce qui est ces décisions de fin de vie reste très compliqué, mais malgré tous les biais, je pense que le fait de réfléchir, d'anticiper et d'identifier une personne qui peut parler à notre place peut aider les médecins à justement ne pas commettre l'erreur historique d'être trop paternaliste. Encore en France, maintenant, il y a des médecins qui vont décider pour leur patient. Et ça, je pense que c'est à éviter. Je pense qu'il faut essayer, comme médecin, notre mission, c'est d'expliquer, d'être le plus clair, le plus correct possible sur la réalité médicale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, c'est vous qui décidez. Et ces jeunes cuillères, roses, il n'y a rien dedans. Hein? J'aimerais que vous me montriez comment on utilise cet objet. Vous vous souvenez de ça? Essayez de me montrer comment on utilise l'objet. Je la mets près de votre bouche. Hein? Comment on utilise cet objet? Encore une fois, je mets la cuillère près de la bouche. Mais cette fois-ci, vous restez bien immobile. Les attentes ici, c'est d'avoir un peu de la clarification au niveau de... Ah, nous, c'est notre attente ici au CHU. Oui, mais je pense, comme l'a dit le professeur Lorès, quand je l'ai vu, il ne faut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, ils mettent le doigt sur la cause, pas après autant de temps, et effectivement, ça nous rapporte. C'est ça, je ne veux pas que vous attendiez qu'on va... Oui, non, c'est ça. Non, parce qu'on voudrait savoir, en tout cas, vu les examens qui vont être faits, c'est effectivement, au niveau cérébral, émotif, et... Qu'est-ce qui pourrait encore fonctionner, qu'est-ce qui pourrait reprendre le dessus, si encore c'est possible, et si ce n'est pas le cas, est-elle consciente? Est-ce qu'elle elle est consciente de l'état dans lequel est-ce qu'elle est consciente lorsqu'on est là près d'elle? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle ressent encore quelque chose? C'est surtout ça, enfin en tout cas moi c'est ce que je voudrais savoir. Pour le reste je ne m'attends pas à ce que... C'est pour améliorer ce sens, on peut faire plaisir par ce sens-là. C'est le seul sens qu'elle a. Alors là, c'est ce qu'on peut faire à notre maman, c'est le mieux, je pense. Rouennais. Est-ce que vous avez le souvenir d'une expérience personnelle où vous avez fait des tests et vous avez été très émue de ce qui s'était passé avec le patient? Oui, tout à fait. Un jour, c'était une patiente aux soins intensifs. Donc, c'était vraiment dans les premiers jours, premières semaines après l'accident. Elle récupérait petit à petit, mais malgré nos tests, on n'arrivait pas à détecter de poursuite visuelle, de réponse à la commande. On n'arrivait vraiment pas à avoir une preuve de du fait qu'elle était en état de conscience minimale. Alors qu'on avait l'impression qu'elle était présente, mais on ne parvenait pas à l'objectiver avec notre échelle. Et à un moment, elle m'a attrapé le bras. Donc, elle a posé sa main sur mon avant-bras et elle l'a serré fort. Et là, j'ai vraiment été perturbée parce que là, j'ai compris qu'elle était là et qu'elle était présente, même si on n'avait pas réussi très bien à diagnostiquer. Et effectivement, la fois d'après, quand on l'a réévaluée, l'évaluation était bien, bien meilleure. Et elle nous a montré tout ce qu'elle était capable de faire. Donc, c'était l'évolution. Elle était en train d'évoluer. Il y a aussi une fois où j'ai évalué un patient il y a des années maintenant. Et je l'ai vu au moment des soins intensifs, donc quelques jours après, également après l'accident. Puis je l'ai revu un mois après. Il avait fort bien évolué. Il ne se souvenait absolument pas de moi. Et encore quelques semaines après, je l'ai vu marcher, qui faisait des entraînements de kiné. Et donc voir des patients qui évoluent très vite, très bien comme ça, c'est toujours émouvant. Et on se dit qu'il faut l'axe. Parfois, ça évolue bien, donc... Oui, Vanessa Charlon, quel est le parcours ensuite, une fois qu'il se réveille du coma? Ah oui, donc je m'intéresse aussi à ceux qui vont bien, donc qui ont vécu un coma, que ce soit après un trauma, un accident de voiture ou après un arrêt cardiaque, et qui eux, vont survivre à leur lésion, à leur accident, mais qui vont en plus nous contacter parce qu'ils ont des souvenirs extrêmement intenses de ce qui s'est passé. Donc ils se souviennent de tout ce qui s'est passé pendant du moment où ils ont été mal, où ils ont eu leur accident, jusqu'à ce qu'on les prenne en charge, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital, etc., etc. Même certains vont se rappeler de la chirurgie qu'ils ont eue, comme quoi ils étaient présents dans la pièce, qu'ils étaient au plafond, qu'ils voyaient le médecin s'occuper d'eux, etc. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que quelqu'un qui est en train d'avoir des difficultés cardiaque, un cœur qui pompe moins bien ou qui ne pompe presque plus, on s'attend à ce que l'activité cérébrale soit altérée à un certain niveau, en tout cas. Et on se rend compte que malgré l'urgence de la situation, malgré l'état de la personne, il y a des souvenirs incroyables qui sont rapportés et qui sont importants à étudier. Et vous, le service, en fait, explore la piste donc des expériences de mort imminente, EMI, qui, justement, ont été longtemps négligées parce qu'on considérait que les gens qui racontaient qu'ils étaient au bord de la mort, qu'ils voyaient une lumière au bout d'un tunnel ou qu'ils voyaient effectivement leur corps au-dessus de leur corps allongé, donc une sorte, ils sortaient de leur corps, on a considéré que c'était des gens qui avaient un peu perdu la tête ou qui fabulaient. Et vous essayez d'étudier ça de manière très systématique. Oui, donc pour nous, c'est un phénomène, c'est une réalité physiologique, une réalité psychologique, et qui mérite une attention scientifique rigoureuse. En analysant le plus de textes possible et en mettant les groupes par étiologie, par exemple tous les arrêts cardiaques, le récit, tous les traumas crâniens dans le cas d'un accident de voiture, les voici. Vraiment aller de plus en plus raffiner l'historique médical s'il y en a un va nous permettre aussi de dire ok, ça ressemble, mais c'est pas vraiment une expérience de mort imminente, etc. Donc on va essayer de mieux définir. La deuxième façon qu'on va faire, on va prendre des gens qui ont déjà vécu l'expérience et on va essayer de leur faire revivre sous hypnose. Donc on sait que l'hypnose va produire un état de conscience modifié qui peut alors permettre une meilleure récupération en mémoire de ce souvenir-là. Où on va aussi les mettre dans l'IRM fonctionnel, donc la résonance magnétique fonctionnelle, pour essayer de regarder comment les réseaux cérébraux, comment les régions cérébrales vont agir à ce moment-là, comparé à des situations de simple imagerie mentale, et aussi avec l'électroencéphalogramme, donc toujours coupler la neuroimagerie avec la subjectivité et le comportemental. Il y a une autre façon aussi, donc on a fait une étude donc, avec des sujets sains, des jeunes étudiants en médecine surtout, où on a provoqué des syncopes chez eux. Donc, j'ai vu une trentaine de personnes Et là, c'était intéressant parce qu'on pouvait documenter au niveau de l'électroencéphalogramme, de l'activité électrique du cerveau, tout ce qui se passait avant de perdre conscience, pendant qu'ils perdaient conscience et quand ils reviennent conscients. Donc, ils perdent conscience pendant environ 15 secondes. Et certains d'entre eux se qualifiaient comme étant avoir eu une expérience de mort imminente. Donc, les gens, après une syncope, vont nous dire, ben oui, moi j'ai vu une espèce de lumière blanche, je me suis sentie extrêmement bien, et le temps n'existait plus, etc. Ce que je fais toujours, c'est d'utiliser cette opportunité pour faire un appel à témoignage. Là, il y a plusieurs doctorants qui vont vraiment essayer d'écouter ces personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi, pas nécessairement de magique ou pas non plus pour moi une preuve de vie après la mort, comme disent certains. Je pense qu'on a une preuve de vie après la mort, mais c'est le don d'organes. Les expériences de mort imminente pour moi sont une réalité physiologique. On en a maintenant plus de 500 qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est important de les écouter et je pense que personne comprend vraiment comment expliquer une expérience de mort imminente, mais que de l'autre côté, je suis pas d'accord non plus avec ceux qui disent, ça, c'est la preuve qu'il peut y avoir une conscience en dehors du cerveau, qu'il y a un au-delà, etc. À nouveau, on essaye, comme je vous ai déjà dit, de suivre cette méthodologie scientifique, de confronter nos croyances, nos théories à des observations. Le cerveau est important pour notre conscience, et donc on fait des examens où on essaye de mieux comprendre ce qu'on appelle des EMI. Steven Leray, comme vous êtes en permanence finalement en train de traquer les signes de conscience, vous avez même fini par demander à votre smartphone qui est capable de parler, est-ce que tu as une conscience ? Alors, j'en discute dans le livre, Cyprien Cerveau, est-ce que un ordinateur peut être conscient ? C'est une question difficile, comme la question est-ce que l'animal peut être conscient ? Donc, je peux le demander à mon smartphone, Siri, pour l'iPhone va me répondre, va faire des petites blagues, mais évidemment a été programmé pour répondre ainsi. Quelle est la réponse alors du smartphone ? Rigolo, elle va me répondre que ou bien elle sait pas répondre à cette question ou que Marc lui a dit qu'elle était bel et bien consciente. Il y a différents programmes qui vont vous donner différentes réponses avec des ordinateurs de plus en plus puissants, mais ça reste, je dirais, au niveau plus ludique que vraiment essayer de trouver une preuve de conscience qui va dépendre aussi de notre définition de la conscience. Donc là, il y a tout un débat, il y a des arguments pour et contre. Je pense qu'il faut accepter que personne comprend ce que c'est la conscience. À un moment, même si on a fait beaucoup de progrès et que la question n'est pas purement philosophique, parce que l'homme depuis toujours s'est posé cette question, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui fait que je suis en train de me poser ces questions, et maintenant c'est devenu vraiment une question scientifique, parce que je peux tester mes hypothèses et je peux faire des mesures et essayer de comprendre la conscience humaine. On a fait des progrès, mais je pense qu'il ne faut pas être trop arrogant. Personne vraiment, à un moment, comprend. Monsieur Google, qu'est-ce que la conscience ? Conscience. La conscience est, du point de vue de certaines philosophies et de la psychologie, la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs ou intérieurs et plus généralement sa propre existence. Google, qu'est-ce que la conscience ? Selon Wikilivre, la conscience est l'intuition plus ou moins claire qu'a un individu de ses états mentaux, de son existence et du monde qui l'entoure. C'était Voyage au centre du cerveau. Aujourd'hui, les états limites de la conscience. Un grand merci à toute l'équipe Coma du CHU de Liège, aux neuropsychologues Sarah Wanné, Charlotte Martial et Vanessa Charland, à l'anesthésiste Muriel Kirsch, à Caroline Simeys, assistante de recherche, et à Steven Lorez, professeur en neurologie. Du fond du cœur, une pensée pour les familles des patients. À la prise de son, Eric Damaggio, recherche musicale Romain Couturier, mixage Delphine Baudet, une réalisation signée Anna Schmuck, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez scruter votre cerveau, bibliographie, lien, nous podcaster pour la salle d'attente ou nous réécouter en salle de réveil, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez toujours nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième étape, perdre le contrôle mental. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.